Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, Carrie. C'est Planet Rap Carrie sur Skyrock. Et c'est parti, coup d'envoi de cette nouvelle semaine. Enfin, nouvelle semaine qui a débuté depuis hier avec Carrie. Comment va? Ça va, poteau? En pleine forme? Ouais, ouais, pleine. C'est quoi l'ambiance aujourd'hui? C'est ambiance one fuck, double fuck, triple fuck? C'est ambiance triple fuck ce soir. Ah, ce soir? Ah, ouais, carrément, ouais. Triple fuck. Pfiou. On est à peine, on se connaissait à peine. Ça commence à faire mal. On avait à peine commencé avec le double fuck. Ouais, moi j'enchaîne direct. Ah, on est passé au trip. T'as capté ou pas? Ah, et d'entrée de jeu. C'est bon, ça. Tout va bien? Ouais, ça va. À part ça? Très très bien. Ça se passe bien, écoute, le projet en précommande déjà fait un véritable carton. Ouais, c'est bien. Déjà deuxième en précommande. Ouais. Faut que ça continue. Bien sûr. La place de numéro 1 n'est pas loin. Faut que ça continue. Faut que ça continue. Avec en plus, je crois qu'il pas. Y a un titre inédit qui est arrivé hier soir justement. Donc, Sinaloa. Sinaloa, le morceau avec que tu as fait en live. Qui est arrivé en début de semaine aussi. Non, très beau live hier, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur skyrock.fm que tu as fait dans l'émission. Et donc, si par exemple là on précommande l'album, on l'a tout de suite celui-ci. Direct. Direct. Qu'est-ce on qu'on a besoin? On peut s'en, on peut se mettre bien. On a terrain aussi, non? On a terrain et on a. C'est la base. Avec le XV Barbare, donc. Le fameux. J'ai envie de dire, allez-y, allez cliquer. Il y a déjà trois gros titres bon, vraiment bien fat. Allez récupérer déjà, ça vous donne un avant-goût de ce qui vous attend dans ce projet double fuck. La suite est. Bon, on va saluer aussi Thérapie qui est là, hein, comme c'est d'hab. Là. Le binôme, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est aussi un travail d'équipe, hein, ce projet double fuck qu'on découvre. Il sort vendredi, hein, je dis ça pour ceux aussi qui aiment bien voir l'objet, c'est vendredi dans les bacs. Ouais, ouais. Donc n'hésitez pas, on va. On fait les CB vendredi. On va ce soir faire du live aussi, tu feras du live aussi, Carré? Non, il n'y a pas de live, il y a assez de monde là pour live ce soir. D'accord. Donc il y aura quand même une partie freestyle, bien partie... sûr. Ouais. Il y a PSO Thug qui sont là. PSO Thug. Il y a Kiba qui va être là et Amo Plaire aussi. Et bon, on va présenter tout le monde. On va présenter tout le monde dans un instant. Et on débute avec Terrain, c'est parti? Direct. Allez, coup d'envoi de ce Planet Rap, Caris, Terrain. Je fais des lem lem lem lem. T'as le seum seum seum seum. Je fais des lem lem lem lem. Je nique des rum rum rum rum. Je fais des lem lem lem lem. T'as le seum seum seum seum. Je fais des lem lem lem lem. Je nique des rum rum rum rum. Clic, semi-auto. Ah, j'ai du liquide amniotique. Devenu automatique dans le catmatique. Sorti de l'école de la République. Des larves. Poussi, poussi. Parle pas ou bien parlons-nous chi. Plus d'armée de soucis, mon seul problème désormais est de choisir entre le caviar et les sushis. Je m'allume un gros bar, elle a vu ma grosse barre. Elle fait le grand écart, j'ai de la mouille dans la beubare. Contrôle de police, ma guy qui me reconnaît me demande une photo pour son fils. Il me laisse repartir dans une gova pétard dans la boîte à gants. Mon pétard sous le siège, un gomme-gomme. Demi-tour en marchant mon chewing-gum, gomme-gomme. On va plus leur faire de crédit, on fait plus la guerre entre eux. Je crois bien que tout est dit. J'sors mon arme, j'amani, j'porte un jean Armani avec une paire de Bouzemi. Leur faire du le ça, on pourrait. J'suis dans mon rose beau bois, j'allume la LED juste pour voir ta raie en blu-ray. J'fais des lem lem lem lem. T'as le seum seum seum seum. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem. T'as le seum seum seum seum. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. Sors pas ta caisse, c'est le drive, dis-nous vite, tu prends quoi? Les bibisseurs bloquent l'ascenseur devant toi. J'bouge pas, j'me pose dans le hall en été ou dans le froid. J'attends les polos, t'attends ton conseiller au pôle emploi. Lunettes, casquettes, fuck toi et ton képi. Quatre grosses balles tringues dans une Ford Megra, ils font képi. Fais bien la fête, n'oublie surtout pas que t'es mon petit. M'invite pas à ce qui sort, mon canon c'est pas des confettis. Ils ont vu mon casse-rayé, ils ont cru à l'accident, c'est juste qu'elle suce avec les dents. Posé comme un bâtiment, je ne fais plus de sentiments, je crache dans tous les compartiments. Kandahar, Kandahar, Gandora, Gandora, double calache, on t'aura. Rendu dans la planque, cracker sans manque, je suis dans le tank, c'est pas un prank. Je fais des lem lem lem lem. T'as le seum seum seum seum. Je fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem. T'as le seum seum seum seum. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem. T'as le seum seum seum seum. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem. T'as le seum seum seum seum. J'fais des lem lem lem lem. J'nique des rum rum rum rum. c'est Caris et le morceau s'appelle Terrain. Vous le retrouvez, il y a la vidéo aussi qui est dispo, hein, le clip qui a été tourné de Terrain. On peut retrouver Caris aussi. C'est un extrait de Double Fuck, qui sort vendredi 16 octobre à Palouper. T'as dit quoi? Je sais pas, Double Fuck, le truc qui est sorti bizarrement. C'est bizarre, toi. Ouais. C'est toi qui es sur internet ou quoi? Tu travailles en sous-marin? Je suis pas le seul. Gros donc, clip de Nicolas Noël. Ouais, gros clip de Nicolas Noël. Voilà, Nicolas Noël, un gars avec qui on bosse. Vous avez déjà fait d'autres choses avec lui aussi? Ouais, on avait fait pas mal de clips avec lui déjà. Ouais. Ouais, ouais, pas mal de choses. On a fait plein de clips, on a fait Zone de Transit, on a fait Kadirov, on a fait Crystal, on a fait plein de clips avec lui. Et bon, le salut. Donc Nicolas. Ouais. Gros big up. Nicolas Noël. Nicolas Noël, qui a réalisé ce clip qu'on peut trouver un petit peu partout terrain. Et donc Double Fuck, la sortie c'est le 16 octobre. C'est vrai que c'est le côté mixtape et tu mets des personnes en avant aussi sur cette mixtape. Ouais. Il y a notamment PSO Thug. Exact. Qu'on peut saluer d'ailleurs, l'équipe de PSO Thug. Ouais, ils sont là les frérots. Hein. Ouais. Ça va bien, messieurs? Là, ça va. Bah alors, petit mot de présentation de PSO Thug. Bah, moi, c'est Aero PSO Thug. Vous êtes combien d'ailleurs dans PSO? On est deux. Hein. LETO PSO Thug, tu connais. On est là. On s'est fait connaître un peu sur YouTube depuis un an. On a sorti plusieurs sons, on a sorti une mixtape en attendant Démoniaque. Et là, on va se lancer sur une mixtape Démoniaque. Qui devrait sortir bientôt. Bon, et puis là, c'est un sacré coup de projecteur aussi d'être sur Double Fuck. Caris, ouais, bien vu. Parce que, c'est marrant, ça fait un an grosso modo que vous êtes un peu structuré en tout cas et à sortir des choses. Déjà de se retrouver sur Double Fuck, ça veut dire que le travail quand même. Ouais, bien sûr. Ça avance bien. Moi, t'as vu, avec Mehdi, on a regardé les artistes, tout ça, et on voulait savoir, on voulait comprendre. Et bon, ils font du buzz hein, sur internet. Hein. Bien sûr. Beaucoup de vues. Hein. C'est quelque chose qui te parle aussi, que t'aimes bien aussi écouter, ouais, toi, Caris. Ils sont énervés. Ils sont énergiques. C'est le truc que tu aurais peut-être aussi aimé avoir toi à l'époque quand tu débutais dans le rap, puisque on a tendance à résumer ta carrière à Hors Noir. Ouais, mais moi je suis énervé bien avant Hors Noir, les gens, ça passe tout. Mais c'est vrai que ça fait un sacré. Des morceaux, tu peux aller les voir, Une Armée de Soucis et tout ça. Renoir, il est énervé. Ça fait un sacré moment voilà, que tu rappes. Un sacré bout de temps. Donc là, quand tu les entends, voilà, ça fait un an grosso modo qu'il sort des choses. Le fait ouais, mais ça fait pas un an qu'il rappe. Hein. Non, ça doit faire 2-3 piges. 2-3 piges. Bon, on va dire c'est pareil. chacun son destin. Chacun son destin. Ouais. Ils ont compris plus vite que moi, c'est tout, ils sont plus rapides. Non, ou alors, est-ce que t'as peut-être l'impression aussi que, chose qu'il y avait un petit peu moins dans le rap, il y a un petit peu moins de se donner des coups de main et que ça se fait de plus en plus ouais, en fait. Mais c'est ça, il faut que ça se fasse. C'est super important, il faut donner des coups de main et, tu vois, pour prendre leur morceau, le mettre dans ma mixtape. Pour moi, c'était important, il avait sa place au morceau, tu vois ce que je veux dire. Comme je leur disais tout à l'heure, le morceau est super lourd. Les jeunes, ils vont kiffer de ouf. Ouais, c'est la tendance, c'est le. Tu vois. Voilà, c'est la tendance, c'est ça qui est bon. Bon, PSO Thug, alors qu'est-ce qui se passe pour vous là dans les mois qui viennent? On balance toujours des clips. Tiens, parle bien proche du micro. On balance toujours des clips, toujours des petits inédits. On va balancer encore un clip là bientôt. Mais on se lance sur un projet, comme je t'ai dit, Démoniaque. Donc c'est pour 2016 plutôt. Ah ouais, voilà, début 2016. Début 2016. Voilà, ça bosse. Ça dort pas. Très bien, donc on guettera PSO Thug que vous retrouvez en attendant donc sur le projet de Caris Double Fuck. Il y a aussi d'autres invités ce soir, Mehdi, que tu veux présenter. Ce soir, il y a aussi Mauplair, donc de Saint-Denis, qui va venir rapper tout à l'heure. Et Akiba. Et Akiba aussi. Akiba, c'est le poteau de Rougemont. Il va venir poser aussi. Il va venir kicker ça, comme il faut. Donc ce soir, tu te mets un peu. Les doigts de pied en éventail. Je souffle un peu. Ouais. Tu te mets les doigts de pied en éventail. Tranquille, on prépare la suite. Ce soir, je suis jamais loin. Bah, je sais que t'es pas loin. Et puis on va passer des extraits aussi de ce projet qui sort donc le 16 octobre de Caris. Ouais. On part sur quoi? On part sur. On part, tiens, bah justement, on va mettre le morceau de PSO Thug. Ah, PSO Thug. Ouais, on va mettre ça, direct. Finition, c'est bien. Mettez le son bien fort. Préparez-vous. Allez, c'est parti. C'est très très chaud. Double Fuck, finition PSO Thug. Double Fuck. Ça sort le 16 octobre, c'est sur la mixtape de Caris Double Fuck. Max, Max. Attendez, messieurs, je suis désolé de couper le son. On commence à être dedans, mais on a un coup de fil. Et je pense qu'il faut le prendre tout de suite, ce coup de fil. Parce que c'est compliqué à l'avoir. Et c'est quelqu'un qui va absolument parler dans le Planète Rap de Caris. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui était d'ailleurs sur ton précédent projet. T'es pas au courant? Non. Eh bah, dis allô, tu vas voir. Allô? Ouais, gros. C'est qui? Alors, c'est comment? Tu connais pas la crime? Karim, bien ou quoi, frérot? C'est là, mon frérot? La femme. Mais je suis le seul qui arrive à t'avoir, on dirait. Ah, ma gueule, ça va. Ça va encore, mon grand. Tranquille, okay. Ça dit quoi? Ça dit quoi, mon frérot? T'as la pêche ou quoi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Je voulais te donner bon courage, ma gueule, pour toi. Ouais, merci. Bon courage. Merci, frérot. Merci, ça fait plaisir de ouf. Ouais, je suis désolé, on a coupé le disque de PS Auto, mais on va le remettre dans un instant. Mais je sais que c'est compliqué pour t'avoir. Ça va bien, la crime? Ouais, ça va. Ça va, on essaye, ça va, alhamdoulilah. Content d'entendre ta voix, en tout cas. Content de t'entendre, frérot. Merci, je vous embrasse tous. Merci beaucoup. On m'a dit, ouais, bientôt. On m'a dit que c'était ton planète rap. J'ai écouté des trois sur mon rap. Ah, Watt Poto, force à fond. Ah, Simer, frérot, Simer, ça fait plaisir. Force à fond, je t'embrasse. De fou, moi, là, moi aussi, je t'embrasse. Fais attention. Ouais, je le désaide. DZ, mon gars. DZ. Il est dans les parages. Il est là. À côté. Frérot, t'inquiète. On est là, frérot. Ouais, direct. Ça va, DZ ou quoi? On est là, mon frérot. Tranquille, mon rêve. Impeccable, mon frérot. Là. Bon, on s'appelle. Vas-y, direct. Je t'embrasse. Ouais, force à toi, frérot. Force à toi. Bisous, l'équipe. On est avec toi, t'inquiète. Je t'embrasse. Merci beaucoup, les frérots. À très vite, la crème. Ciao, à très vite. Salut, la crème. Voilà, je suis désolé, mais je sais que c'est. Bon soutien, ça. Bah, c'est un très bon soutien. Un soutien qui nous vient d'un peu loin. Et puis là, de toute façon, le morceau, ça fait un pull-up, tu vois. Exactement, ça fait un petit pull-up. Et je sais que voilà, la crème est pressée. Ils ont pas bien compris. On connaît tous la situation un peu, la crème qui est compliquée en ce moment. Donc voilà, donc c'est compliqué à l'avoir aussi. Les gens l'ont entendu, ça fait plaisir aussi. Voilà, et donc on le salue, on le remercie d'avoir appelé en tout cas pour ton Planète Rap. Et c'est vrai qu'on parlait hier d'ailleurs de cet album, le précédent, on retrouve le morceau aussi avec la crime qui est exactement. Un gros morceau. Replongez-vous d'ailleurs dans. Très gros morceau, replongez-vous dans cet album et vous allez comprendre. Bon allez, on est parti, c'était un faux départ pour PS Autog, mais cette fois-ci c'est le bon. C'est reparti. On y va, le morceau Finition. Finition. Coup d'envoi, ça sort le 16 octobre sur la mixtape de Caris. Pas compter mon bifton. Gros poli, toujours proliqué pour l'extorsion. On te viscère cette gamme en avant, c'est la finition. Finition, finition, finition. Gang, gang. Tega. Finition, finition, finition. Toi t'as dit mais ta gamme est pas parmi ce là, c'est la finition. Tag, c'est la finition. Se prépare, c'est trop tard, c'est la finition. Jeg, c'est la finition. Lia sur lia. J'entasse. C'est la vie, vérité, pas de fake. De gaz et la course au cash. Plusieurs jobs, donc plusieurs bigots. Je fouette ça et jamais dans le frigo. Plusieurs élastiques, Maria prend du volume. C'est la finition, sale pute. Bitch, laisse-moi faire, please. Je vais cooker cette dos, point de speed. Toi, tu la feras partir dans le teddy. Après ça, on parlera de bif. On en veut toujours plus avec Guy et Brad du double fait finition. Mets ça dans ton anus. Toi t'es dans le bendo, moi je reste dans le check. Riche ou pauvre ou bien marche ou crève. Dis-moi jaune ou mauve, moi je prends le verre. Ouais je sais ce que je vends, je n'ai pas besoin de te plaire. Je ne t'ai rien demandé, j'ai besoin de son père. Aéro Leto, ça fera l'affaire. Trop ténébreux, je te parle d'un calvaire. Ça fait shit, c'est l'eau dans le refou. Mets-le plein dans le putain de deux roues. Ça pue les gyrophares, négé, on les rend fous. Dis-moi, fric, t'es le plus rendez-vous. Un pour la maille et les sous. Je rentre chez toi puis je prends tout. Shit, c'est l'eau dans le refou. Ta chatte passera après ma prochaine transaction. J'suis de mauvaise humeur tant que j'ai pas compté mon bifton. Gros bolide, toujours proliqué pour l'extorsion. On te viscère cette gamme en avant, c'est la finition. Finition, finition, finition. Gang, gang. Tega. Finition, finition, finition. Toi t'as dit mais ta gamme est pas parmi ce là, c'est la finition. Tag, tag, c'est la finition. Gang, tag, c'est la finition. Dans le manoir, le produit se prépare, c'est trop tard, c'est la finition. Tag, tag, c'est la finition. Yusse, lève la moto, c'est le flow se mis au dos. Tous ces raclos dans le rétro, les bacs nous prennent en photo. Coxy, brise quoi, la retour. Passons, 34, c'est le tour. Reste sur le boulevard, ça c'est fou. Tenez, gros cri, au secours. Si je déboule dans cette job, lequel de nous deux s'évitera de son sang? Tu sais déjà, sale pute. Négro, guette à ma gauche, allume gros hanche de peu frappe. Négro, guette à ma gueule, sorti tout droit de Meuda. On te connaît pas, vas-y direct dans le reçoit. Mon gars bloqué, fais leur péter un bloca. Paris the bad, montre l'heure et la tape. Finition à l'instant avec PSO Thug, ils sont là aussi ce soir. On est là. Pour le Planète Rap de Caris. Qu'est-ce qu'il y a Caris sur... Ah, tu veux... Le téléphone, il arrête pas de sonner. Et bah, prends un petit coup de fil, regarde le téléphone, la ligne directe pour Jean Caris cette semaine. 06 71 74 84 15, c'est le portable que tu as en main. 06 71 74 allô. 84 15. Allô, allô, Caris. Ouais, ça va ou quoi, mon poteau? Je viens de passer hier. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis passé hier. Ah, il est passé hier. Ah, t'es passé hier. Lui, ah, ça fait chance. Plaisir. T'es passé hier, aujourd'hui tu m'appelles et je tombe sur Watt. Il y a un truc qui se passe. Ah ouais, c'est comment? Pierre déjà, non? Romain, comment il s'appelle déjà? Comment tu t'appelles déjà? Ouais, c'est ça. C'est Pierre, ouais. Pierre, ouais, c'est ça. Ça va, comment, Pierre? Bah ouais, on se souvient de Pierre. Ouais, ça va, et toi? Mais t'as un chanceux de fou, toi. Faut que t'ailles jouer au loto, mon frère. Ah ouais. Ah non, mais là, t'as une chance. Vas-y, direct, là. Une chance pour passer deux fois de suite. Fais le 21. 21 comme jamais. Et ton album, j'ai précommandé. T'as bien joué, mon pote. Ah bah, tu vois, hier, tu lui demandais, voilà, il l'a fait. Bien ouais, on est ensemble. Ah, c'est vrai? Ah, c'est vrai qu'il est fort celui-ci. Il y a le clip qui va arriver là, lundi là. Tu vas voir. Tu vas voir, lourd de fou. Très très fort. Fais un double fuck et envoie-moi ça sur mon Insta. Caris. Ouais. Ouais, ma gueule. Ouais, je peux passer une petite dédicace? Vas-y, deux spi alors, parce que faut que je continue à parler avec Fred. Vas-y, ma gueule. Non, mais prends ton temps. Dédicace à tout lycée Saint-Vincent. Ouais, dédicace à tout lycée Saint-Vincent. Et qui? Et Si, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Vas-y, ma petite gueule, on s'attrape. Yes, à plus tard. Ah bah lui, par contre, il est incroyable celui-ci. Hein. Ah, il est fort, hein. Pierre, deux fois de suite. On attend Pierre demain. Si t'arrives, franchement, là, tu repars avec la totale. Je vais essayer de retenir le numéro, alors. Si demain, le téléphone, c'est 06 71 74 84 15. Et puis tiens, hier, nous avons... On va revenir chaque soir sur l'émission de la veille. Ouais. Pour repartir avec des places, parce que tu offres des places aussi pour le concert du Zénith. Donc exact. Ça, c'est plutôt bien. Ouais. C'est le 9 novembre, ce concert à pas louper. 9 novembre au Zénith à pas louper. Et les questions, il y aura une question par soir différente. Donc préparez-vous à répondre soit par SMS 41759, soit avec le hashtag Caris sur Skyrock, ça arrive direct dans le studio. La question du soir est la suivante. Très simple. Hein. Quel est le titre du son que Caris a fait en live hier pendant Planète Rap? C'est cadeau. Ça, c'est un vrai, vrai cadeau. Ouais. Allez-y, bombardez de messages et vous repartez avec Mexicain. Des places. Un cartel. Voilà. Par exemple. 41759, c'est pour le Zénith de Paris le 9 novembre. Zénith que tu es en train de préparer ou qui est, ouais, on est en train de préparer qui est déjà dans ta tête, ça y est, tu sais ce que tu veux. Ouais, il est dans ma tête. Il y a juste à tout régler, c'est bon. Tout mettre en place. Ouais. À pas louper, et puis une tournée aussi pour Caris. D'autres dates qu'on vous filera sur Skyrock. On met un petit son avant la pub, Caris. Comme jamais. Allez. Comme Jaja. On repart sur quoi? Il y avait Finis. Finis, on vient de le mettre là. Donc on va mettre H. H. Ouais, ouais. Aïe, aïe, celui-là. Alors un petit mot. J'espère que vous êtes prêts. Un petit mot sur H. C'est un truc que t'as dans un petit sac plastique dans la poche. Qui sert toujours. Beaucoup de médecins qui. Qui prescrivent ce produit. Non mais ça, j'avais compris, mais celui-ci par exemple, un petit souvenir précis, Caris, bah, en studio, la façon dont tu l'as fait. Ah frère, j'étais foncé, je l'ai écrit, c'est tout. Ah, pas plus long. Il est sorti comme je ça. Je me suis pas posé de questions. Exact. Ça a soufflé. Exact. Il comme est ça. Arrivé. Comme par magie. Alors l'écoute. Vas-y, c'est parti. Ça sort le 16 octobre, exclu. Ah, mon pote. Vendu H, fais entrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les banques le sachent. Vendu H, fais entrer du cash. Vendu H, fais entrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les banques le sachent. Voilà c'est. Tu devrais faire parler l'acier. Voilà c'est. Tu devras faire parler l'acier. Tu ne devras pas les gracier. de mon équipe va sortir du zoo déguisé en macaque. Mercedes 63 AMG 1K, difficile qu'on m'attaque. CIPKO, DKR, tu sais déjà que y'a R. Les plus gros fils de pute de la terre savent déjà que c'est la guerre. Je veux être le chef de ma bande, je la frotte, elle sent que je pente. Pas de bonbons dans mon stand, bitch do you understand. L'orgueil arrive plutôt que la police, je suis partout où y'a de la. Tigre du Sumatra, je veux Alice et je veux Fatoumata. Chaque fois que je rentre dans la cabine, je te rappelle une mauvaise nouvelle. La coque est dans tes narines, mais ta chatte est toujours dans la poubelle. Je suis l'un des sous-marins dans l'affaire Karachi. On connaît tous les chemins, mais on oublie celui du paradis. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les banques se sachent. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les banques se sachent. Voilà c'est, voilà c'est, voilà c'est. Tu devrais faire parler l'acier. Voilà c'est, voilà c'est, voilà c'est. Tu devras faire parler l'acier. Tu ne devras pas les gracier. Je vais baiser mon ennemi avant qu'il me baise. Et je dois baiser le dernier. Mon dernier mot, mon dernier son sera plus violent que le premier. T'es trop conne, il faut que je tease avant de parler avec toi. J'ai la couronne, qu'est-ce que tu veux que je dise. Une autre époque, un autre roi. Ça pue la rue, ça pue la rue. Les paroles sont crues. Henri Désiré Landru. La barbe est drue. 93. Voici mes jingles. Négro t'es balèze. Tant mieux la cible est plus grosse. Ta grosse fouffe, c'est ton plus beau profil. Ma drogue te bouffe, comme la crocodile. Je pleure des rivières de sang rouge, comme les Apaches. Y'a rien à faire, mon sang te touche, comme une calache. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les bains se sachent. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les bains se sachent. Voilà. Voilà c'est, voilà c'est. Tu devras faire parler l'acier. Voilà c'est, voilà c'est. Tu devras faire parler l'acier. Tu ne devras pas les gracier. 2-7 Pute. J'ai dit pute. 2-7 2-7-2-1 en compte. Double fuck. C'est Caris, notre invité double fuck si. À l'instant, et le morceau s'appelle H. Voilà, avec une grosse prod encore hein, qu'il faut signaler. Grosse prod de thérapie. Grosse prod. Gros big up à Chichi, 2031. À mort. Lox. Un petit mot d'ailleurs sur les prods, justement, thérapie, sur la façon dont tu travailles les prods pour Caris, même d'ailleurs pour tous les artistes avec qui tu bosses. Il y a une inspiration particulière, il y a quoi? T'écoutes beaucoup de sons ou... Ouais, j'écoute un maximum de sons, j'écoute pas que du rap non plus. Voilà, donc non, ça bosse, franchement, les choses se passent. On a toujours la même méthode de travail ensemble, tu vois. Que ce soit avec Loxon, soit avec Zaz, soit encore plus avec Thérapie, avec Thérapie 2031, avec qui on fait plus d'échanges, mais avec Lox c'est devenu pareil. Vous êtes combien maintenant dans le côté pôle de producteur? 4. À s'échanger les sons, à écouter. Voilà, les... exactement. Des fois, il y en a qui font leur prod de. Gros big up à Fantôme. Ça sort, ouais, direct. Et voilà, les choses avancent, franchement, cool. Hein. Après, je m'adapte aussi par rapport au rappeur, tu vois, c'est important. Mm-hmm. Quand on m'oriente, surtout. Caris, par exemple, à chaque fois, un projet, il y a. Parce que tu tentes quand même des. C'est vrai que terrain qu'on a écouté, il y a aussi. Tu tentes certains flows aussi, tu tentes certaines choses différentes. Ouais, c'est vrai. Sur terrain, le deuxième couplet. Ouais. Sur le deuxième couplet, il y a des choses qui sont un peu différentes que tu essaies de tenter. Que... Ouais, c'est des dribbles, c'est des feintes. Après, il y a des prods, t'as vu que Caris choisit de lui-même, tu vois. Ou limite, j'ai rien à dire, tu vois, je veux dire. C'est, non, je rappe sur celle-là, c'est fait. Et il y en a d'autres où je l'oriente plus, tu vois. Et il y va, il essaye, et voilà, ça le fait, tu vois. Il y a toujours cet échange entre vous deux qui est important. Oh, obligatoire. Oh, bien sûr. C'est ça qui le fait, tu vois. Bien sûr. Bon, dans un instant, on reviendra. Il y aura du live avec PS Autug notamment. Ouais. Ce soir, c'est mettre en avant, justement, donner un petit coup de projecteur sur les artistes qui sont aussi présents sur Double Fuck. On vous attend au freestyle de Planète Rap. Bougez pas. Il y a aussi Paranormal Activity. On vous emmène

Voilà, c'est le morceau hein, qui d'entrée de jeu vous met dans le projet. Il parle de lui-même, il parle de lui-même. Ah, celui-ci. Il est trop énervé. Ah, celui-ci, il est très énervé. Je sens que tu kiffes, je sens que t'aimes bien. Ah, moi j'aime bien celui-là. Ah, c'est bien. Il aurait pu s'appeler d'ailleurs. Il n'y avait aucun morceau qui s'appelle Double Fuck d'ailleurs. Si, le dernier morceau. Le dernier morceau, mais il aurait pu aussi. Il aurait pu aussi s'appeler celui-ci. Ouverture et fermeture double fuck en fait. Hein. Oh, ouais. On aurait pu. Mais avoir... généralement double fuck quand tu ouvres, il n'y a plus de fermeture. C'est ça vrai. Se ferme plus frère. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que juste c'est... que ça s'ouvre encore plus. C'est compliqué. Hein c'est très compliqué, ouais. Donc le projet, ça s'appelle Double Fuck, ça sort le 16 octobre. C'est Caris, notre invité entre 20 et 21, toute la semaine dans Planète Rap. Dans un instant, session live, session freestyle. Session freestyle, avec mon gars Kiba, avec Mauplair et avec bien sûr. PSOTUG avec nous. Et juste avant freestyle par téléphone, on va à Grenoble rejoindre Kenan de Grenoble. Salut Kenan. Ouais. Wesh Kenan, bien ou quoi poto? Tranquille, et toi Rizka? Yeah. Bon, lourd le son. Hein. Voilà, moi, t'as eu. Franchement, je vais pas te mentir, je t'écoute depuis ZDRO. Franchement, lourd, continue. Merci frère, ça fait plaisir, merci. J'allais te demander si tu as bien retenu quand sort le projet de Charisme, a priori Kenan. Bah ouais, vendredi. Vendredi 16 octobre. Ah ouais. Et bon, on va t'écouter rapper maintenant. Juste, tiens, je vais rappeler juste que dans un quart d'heure, on fera tourner la roulette. Vous pouvez vous inscrire maintenant 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone 41759 pour faire tourner la roulette. Que toi, tu habites Grenoble. Est-ce que tu es libre le 20 octobre, mardi prochain, mardi 20 octobre? Bah, comme on le dit, Inch'Allah, après on verra. Après on verra, mais tu es le bienvenu au Gaumont-Marignan. Gaumont-Marignan, pour toi, te trompe pas. À Paris, train, hôtel payé pour deux personnes. Propre. Ça y est, t'es libre maintenant? Oui, c'est Là, je suis libre direct, là je suis putain, je vais tout de suite. Pour assister à Paranormal Activity, 5e du nom de Ghost Dimensions, qui sort donc le 21 octobre, et que tu verras, on exclut. Tu es prêt à rapper, on y va, Kenan, c'est parti? Kick ça, Kenan, kick ça. Ouais. Na encore. Prends mon 38, ça écoute. Approche. Tu sois nord ou arabe, votre nerf, je suis coupable, c'est moi bâtard qui a tué le rap. J'ai affalé le traître, histoire qu'on n'en parle plus. Couffé avec la poignée et le coup de main, y'a le doigt donc. Je te crache sur l'épiderme, provoque une réaction. Action, à la place du diable, bois ton sang et des glaçons. Je suis trop métaphorique, Molière me trouve trop horrible. Gouverne en banquier, Inch'Allah, donc je te vole ton rythme. J'y vais sans un effort, cause ça, je suis trop hardcore. T'es bon, je suis deux, lorsque ni ta mère de sang, d'accord. T'as compris la métaphore, Nanja n'a jamais tort. Ignorant, comme tu dieu le découvre, ma soeur d'alligator. Y'aura pas de slow, la faute. Puis surtout, rase le haut ton clito. J'ai compris ton langage, tu es juste de chambre de télo. Ton frérot t'a appelé, c'est DSK qui a dit allô. C'est ça que t'aimes. Moi j'te deux joies pour un chèque, bise le 7ème ciel. Donc j'attends elle et ses copines. Puis toi et surtout, le reste de ta team. Mon drapeau blanc et ton sali passera jamais la machine. Dans le rap, j'aurai jamais ta chatte. Même si je suis en Chine, ils veulent la paix dans le monde. Avec un automatique, c'est des mathématiques. Magic qui dans le dos, il m'a bien piqué. Le bif passe avant tout. Sur mon terre, ma rage bouffe de l'intérieur comme un verre solitaire. J'm'en fous pas les gamers. Ma soeur, c'est la meilleure. Mon cri de respect, j'te fume dans le quart d'heure. Les droitiers des rappeurs, ils avoir un vécu. Mon Dieu, des barres de rire, ils sont aussi fragiles que Gourcuff. Kenan à l'instant. Aïe, aïe, aïe, poteau. Grenoble, en freestyle. Merci à toi, Kenan. La fin, c'est le verre solitaire, pas mal. Ah, bien vu. Si, bien vu, mon gars. Est-ce que tu veux rappeler où on peut te trouver sur le net, où on peut te suivre, Kenan? Ouais, sur YouTube, NAN'K, il y a un strip clip, il y a des freestyles, il y a deux sons audio. Et là ça va arriver, on va balancer ça bientôt. Et ben merci à toi Kenan d'avoir été avec nous ce soir dans l'émission. Est-ce que ça tout le monde ça est depuis prêt... le 243 ce que je vois. Ouais. Aïe. PSO Tug, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on va pouvoir attaquer maintenant la session freestyle? Caris, y'a qui aussi au freestyle? Mauplair Kiba. On les appelle autour de la table de Planète Rap et on va pouvoir balancer maintenant ce live, ce freestyle dans Planète Rap. Session freestyle, c'est aussi des gens que vous retrouvez sur le projet Double Fuck. Messieurs, c'est quand vous voulez, c'est parti. C'est le 17 zoo. PSO Tech, c'est le 17 zoo. Double Fox, c'est le 16 octobre. Double Fox, c'est le 16 octobre. C'est le 16 octobre. On se capte la night. Cette fois-ci, ouais, la caisse, elle est white. Et puis tu n'as pas le choix. Paye tes dettes ou je te traque comme d'hab. C'est comment pour ce soir? Sors la taille, minimum de balles. Dans ma tête, tu remplis de travail. Je suis posé dans le check, toi tu fais la racaille. Ce soir, c'est moi qui décide. J'ai vendu cette dope à ta fille. Juste avant de faire les fils. Prends ta dose et vas-y, file. La Dustry nous attire, on esquive les flics. Attends que je finisse mon verre de ligne. On n'est pas parfait, quelques défauts, mais je vais pas me rater. Ne sois pas un caisse, ce tolo va rappeler. Là tu vas capter, plus de lumière invisible dans le noir. Toi tu croyais t'emparer du pouvoir. Toi tu me sous-estimes depuis le départ. Vas-y montre-moi. Blaise, blaise. Pour tout ce cash faut des élastiques par centaines. Double bang. Tous les jours c'est la même, c'est schlag, je m'emmerde. Double bang. Lequel de ces négros? Lequel de ces négros? J'ai mon extendo. Extendo, extendo. Ce lien s'occupe du magot, ça blesse dans le bendo. Comme si c'était Orlando. Blaise, blaise, et je viens te trouver si tu me chais cher. Cette chose ça me plaît, je l'interpelle. Blaise, blaise, te dis, c'est la posture. Il copie mon flow, c'est un poster. Les flics se ramènent, dit le guetteur. Double bang. Négro. Toi tu frimes, nous on deal. Toi tu tires, nous on kill. Tu vois ta vie qui défile. PSO Tech c'est le 17 zo. PSO Tech c'est le 17 zo. Double Fox c'est le 16 octobre. Double Fox c'est le 16 octobre. Double Fox c'est le 16 octobre. Bitch. T'as I de BA 10 12 R. Les murs ont des oreilles, les balances ont strié. Tu veux du respect, va t'acheter un fusil. Et 10 12 R, le C in K.I. de P.A. la machine. Les rappeurs font plus de vues. V'là qui tapis in Miske in, en string dans leur clip. Leur stuff sont éclatables. Pour l'instant on opère dans l'on on. Comme une éclipse, je les crame. Comme une clope, les joints. Pour mon clope, pour inquiéter la caf. Elles ont moins de couilles. Tu es une femme, à la maaf. Approche-toi, toute la paaf. Sur une taf, c'est de la frappe. Je peux retourner ma veste le vendredi. Je suis entier là-bas. Je rappe pour Achida, Fatima et Jenaba. À la naissance, j'ai hurlé. J'ai flairé un monde d'enculé. Les putes sont respectées. Le trottoir me l'a chichoté. T'aimes les testicules que j'aime pas bien me les grignoter. K.I. de B.A. 10 12 R départ pour tout bagarrer. Le fuck. Chill. Cap-Touron, Saint-Denis, The Wire. The Wire. The Wire. The Wire. The Wire. The Wire. The Wire. Ils capteront. The Wire. Ils capteront. Ils capteront. Ça vient de la plaine. De Nissan. M.O.P. Hey. Posé dans la street. Ça taffe comme en Asie. Vaut mieux lécher des chattes. qu'être un suceur de bite. Son à fond dans le R8, à 230 sur le périph. Je roule vers le succès, pas de permis, faut que la police. Ma voix vaut de l'or, rouille ta chaîne en coque. Le savoir est une arme, j'ai une batte, j'ai un Glock. À part rempli de sup, sac rempli de thunes. Gros tapage nocturne, les voisins n'en peuvent plus. Le mic le gère comme une grosse pute. Tous ces négros veulent ma chute. Distribue les supercutes, tu parles de rue, on t'a jamais vu. J'ai la dalle comme d'hab, je représente comme d'hab. Sur le terrain comme d'hab, fort pimpé comme d'hab. Validé par-ci, validé par-là. Ils capteront tout tard, je vais leur faire du sale. Arme blanche, laisse ça, ça rafale au AK. Mon 9-3 c'est Baltimore, mélangé à Chirac. The Wire, The Wire, The Wire, The Wire, The Wire, The Wire, The Wire, The Wire, The Wire, The Wire, capteron, The Wire, MOP, The Wire, Vela, The Wire, The Wire, OK, The Wire. À l'instant, donc, en live sur Skyrock. Bien wesh, les gars, bien wesh. Bravo à vous. J'étais bien wesh, les gars. Qui va mon plaire, PSO Tug, groupe. 2-7-0, quand même, tu sais. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'ailleurs veut dire un mot sur le groupe, sur les sorties? Kiba. Que ce soit pour The Wire, pour. Ouais, bon, moi c'est Kiba, 10-12-R. On est là pour le frelon, double foc, RGT comme jamais. Ok. Et pour suivre RGT. Pour Solo le mythe, à suivre de très très près. À suivre de très très près. Igzo, tout kippé. Toute l'équipe, ok. Carlash Crime y arrive aussi, énervé. Sol Campbell aussi. Et pour The Wire? Ah, c'est Moplaire. Ça vient de la plaine, Saint-Denis. Facebook, c'est M-O-P-L-A-I-R, YouTube. C'est la même. Présente à fond, big up à tous les gars du Tchexon qui m'écoutent. Ça fait plaisir. Big up, double foc. Si, si. Disponible le 16 octobre. Rescat, thérapie, rituel. On est là, frère. Force à vous, les frères. Cimer. Gros big up à Bondi Nord aussi. Ouais, pour les frères qui nous écoutent en direct, pour les frères enfermés, Pico, Sopac, Dino, Fritonila, c'est à tout le monde. Grosse dédicace à vous, force à vous les gars. PSO Tug qui était là aussi avec nous, qu'on retrouve d'ailleurs sur le projet Double Fuck, ouais, qui sort là, le 16 octobre avec finition. Avec Caris entre 20 et 21. Avant de se quitter, on remet un petit coup de terrain. Ouais, on va se remettre terrain. Hein. Ouais, direct. Allez, direct. Terrain sur Skyrock. Double Fuck, c'est Double Fuck vendredi. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. Clic, semi-auto. J'ai du liquide amniotique. Devenu automatique dans le capmatique. Sorti de l'école de la République. Des lards. Poussi. Parle pas ou bien parle en nouchi. Plus armé de soucis, mon seul problème désormais est de choisir entre le caviar et les sushis. Je m'allume ma grosse part. Elle a vu ma grosse part. Elle fait le grand écart. J'ai de la mouille dans la beubar. Contrôle de police, ma guy qui me reconnaît me demande une photo pour son fils. Il me laisse repartir dans une gova pétale dans la boîte à gants. Mon pétard sous le siège, un gomme. Demi-tour en marchant mon chewing-gum, gomme. On va plus leur faire de crédit. On fait plus la guerre entre eux. Je crois bien que tout est dit. J'sors mon arme, Zamani, j'porte un jean Armani avec une paire de Bouzemi. Leur faire du le ça, on pourrait. J'suis dans mon rose pour bois, j'allume la LED juste pour voir ta raie en Blu-ray. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le sem. J'fais des lem. J'nique des rum. Sors pas ta caisse, c'est le drive, dis-nous vite, tu prends quoi? Les bip-bisseurs bloquent l'ascenseur devant toi. J'bouge pas, j'me pose dans le hall en été ou dans le froid. J'attends les polos, t'attends ton conseiller au pôle emploi. Lunettes, casquettes, fuck toi et ton képi. Quatre grosses balles trinquent dans une Ford Megra, ils font képi. Fais bien la fête, n'oublie surtout pas que t'es mon petit. M'invite pas à ce qui sort, mon canon c'est pas des confettis. Ils ont vu mon casse-rayé, ils ont cru à l'accident, c'est juste qu'elle suce avec les dents. posé comme un bâtiment. Je ne fais plus de sentiments, je crache dans tous les compartiments. Kandahar, Kandahar, Gandora, Gandora, double calache et Ondora. Produit dans la planque, cracker sans manque. Je suis dans le tank, c'est pas un prank. Je fais des lem, lem, lem, lem. T'as le seum, seum, seum, seum. Je fais des lem, lem, lem, lem. Je nique des rum, rum, rum, rum. Je fais des lem, lem, lem, lem. T'as le seum, seum, seum, seum. Je fais des lem, lem, lem, lem. Je nique des rum, rum, rum, rum. Je fais des lem, lem, lem, lem. T'as le seum, seum, seum, seum. Je fais des lem, lem, lem, lem. Je nique des rum, rum, rum, rum. Je fais des lem, lem, lem, lem. T'as le seum, seum, seum, seum. Je fais des lem, lem, lem, lem. Je nique des rum, rum, rum, rum. C'est terrain avec double Carlis. Funk. Double fuck. Tous les titres ils sont. Je voudrais passer une grosse dédicace à Elan, bon rétablissement. Grosse dédicace à Mondi Nord, Bad Mafia, Redfus l'Animalus, 270. Primo. Surtout n'oubliez pas d'envoyer vos double fuck. Je les poste tous. Ah oui, tu postes tout. Tous ouais, les double fuck. Poster sur Instagram, tout le monde. Sur Facebook. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la taille, quel que soit le. Le gabarit, parce que je vois que ça rigole bien sur internet quand je balance des double fuck. Ouais, balancez vos double fuck, on est tous ensemble. C'est vrai que n'hésitez pas. Il y en a d'autres de prévus là. T'en en réserve des, ouais. Des double fuck en photo. J'en ai plein. Il y en a quelques-uns en réserve ou pas? Il y en a qui sont stylés. C'est vrai. Ouais, et puis c'est surtout équipe. Et c'est surtout un projet, on le disait, 17, 16 morceaux en tout, ouais. sur ce projet de Carlis. Est-ce que toi, justement, tu disais, c'est vrai qu'ils sont tous lourds. Est-ce que tu as des petites préférences pour certains morceaux? Par exemple, si on le reçoit là, tiens, on va le recevoir vendredi. Quels sont les morceaux à écouter en priorité? Écoutez Sinaloa, écoutez Terrain, écoutez Briller, écoutez Petit Vélo, écoutez Double Foc, écoutez Double Kalash, écoutez Audemars. Là, tu me les fais tous. Hein. Surtout, faut écouter Audemars. Écoutez Gringo. Écoutez Gringo de fou. Écoutez XV Barbare, PSO Tug. Écoutez tous les morceaux. Tous les morceaux. Bon, en fait, ouais, il n'y a pas un choix en particulier. Hein. Voilà, faut tous les écouter un par un. Voilà. Demain, on va s'écouter un bon morceau avec SCH, tout ça. Wormsty, écoutez. Non, c'est jeudi. C'est jeudi. C'est pas grave, justement pressé. Ouais, pressé. Demain, XV Barbare qui vient ici. Demain, c'est XV Barbare. Exactement. À pas louper demain entre 20 et 21. Et avant de se quitter sur Skyrock, on va faire tourner la roulette. C'est parti. T'offre la tournée du nouveau disque d'or du rap français, Youssoupha. Youssoupha. Plus ton kit de fringues pour aller au concert. Avec Foued qui vient faire tourner la roulette de Sergi. Salut Foued. Salut, ça va Fred? Ça va et toi? Foued, bien ou quoi? Ouais, je peinard ou quoi quand même? On est là frérot, on est là. Le son il est lourd. Hein. Ça fait plaisir, si bien frérot. Bon, tu attends avec impatience la sortie vendredi? Ouais, vendredi. Ouais, vendredi va arriver, t'auras du bon son dans ta voiture, tranquille. Ouais, ben... Et puis Foued, toi tu viens faire tourner la roulette, dès que tu veux tu dis stop, tu seras peut-être au concert de Youssoupha cette fois-ci. Une grosse tournée pareil, Youssoupha qui passera lui par le Zénith de Paris. Au mois de novembre. Stop. Wow. Foued, la roulette qui va s'arrêter sur la case. Et ben voilà, c'est fait. Ouais, yeah. Youssoupha et le kit fringue. What the fuck avec caleçon. Il y a le t-shirt qui va avec, la casquette. Tu vas te mettre bien, toi. Tu vas aller voir un gros truc. Ouais, ça va être bien. La chance, frérot. C'est pour toi. Si. Bien joué, Foued. Et ben bon concert, Foued. Bon concert à toi. Et puis ne loupe pas non plus un autre concert. C'est au Zénith de Paris le 9 novembre. À mort. Carlis en concert au Zénith. J'espère que tu gagneras encore à la Sky Roulette pour gagner celui-là. On en reparlera. Ok, demain. Pas de soucis. Demain, il y aura aussi des places à choper. Demain, lui, il se prend pas la tête. Demain, la Sky Roulette. Demain, entre 20h et 21h, il y aura aussi justement des places encore à choper pour ton Zénith du 9 novembre. Exact. Sur Skyrock. Je vous rappelle aussi qu'il y a un numéro de téléphone, vous pouvez joindre Carlis. C'est 06 71 74 84 15. Un numéro, tiens, allez, un petit dernier pour finir, Carlis, parce que tout à l'heure, on a eu Pierre. Non, là, je peux pas prendre pendant que ça parle, c'est pour ça. Là, je vais le prendre. Allez, vas-y. Un petit dernier pour finir avant de retrouver la radio libre de Difool. Allô. Carlis. Ouais, bien ou quoi ma gueule? Bien ou quoi? Bien ou quoi? Ah, rien, on a kiff. Ça dit quoi? Ah, c'était lourd. Ça fait plaisir. Simer, frérot. Ah. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Luigi. Ça va ou quoi, Luigi? Ça va tranquille. C'était d'où, toi? On était à tous tes concerts. On était à Metz. C'est vrai? Avec Crystal. C'est vrai? T'as kiffé ou quoi? Ah, comme Dieu. Comme jamais. Merci, frérot. Merci, ça fait plaisir. De fou. Et moi, merci tu pour le soutien. Dédicace ou pas, Carlis? Vas-y, direct, dis-moi. Tu peux dédicacer dédicacé à la Pattaya Gang et Williams. Grosse dédicace à la Pattaya Gangs, Williams et. Et. Et. Mais il a raccroché ou quoi? Luigi. Luigi. Ouais, Luigi. Bon, ah. Bah écoute, il a eu la dédicace en tout cas du, au Pattaya Gang. Parti voir Rosan Mario. Qu'on salue. Merci en tout cas Luigi, pour ça. Bien joué, toi. Merci, bien sûr, merci à vous. Merci à toute l'équipe qui était là. Yes. Aussi en freestyle. On le disait, il y avait du monde bien ce soir-ci. Merci PSO à PSO. Merci Kiba. Kiba. Merci Mopler. Mopler. Voilà la force. C'est bientôt XO solo. Et Kill. Et demain, on sera de retour un petit peu avant 20h avec justement le X-Ray Barbare qui débarque. Dédicace à Vaudou, faut que je le dise. À Vaudou. Et bon, salut. Et à Craps. Dédicace à Zou. Les mecs, j'attends votre sortie. Tonton. Et on va retrouver Diffus juste avant. Tiens, je voulais aussi vous parler d'un concert. Cette fois-ci, c'est pour une bonne cause. C'est la Fondation Abbé Pierre qui organise un concert le samedi 27 octobre à la Cigale à Paris. Avec sur scène Siana, LECK, Mac Taylor, Mokobé et plein d'autres. Les prix des places, en plus, je crois que c'est dans les 8 euros. Donc c'est de, voilà. Et puis c'est pour une bonne cause surtout. Puisque tous les fonds seront reversés à la Fondation Abbé Pierre. Samedi 27 octobre à la Cigale, prenez vos places dès maintenant aussi. Direct. Allez, pêchez vos places direct. Siana, LECK, Mac Taylor, Mokobé et plein d'autres pour le 27 octobre. Merci à vous. Merci. Dans Rancard demain, un petit peu avant 20h. Sans faute. Et là, on va retrouver Diffoul. Et on salue l'abbé Fredo. Ouais. Alléluia, amen. Fredo. Amen. Abbé Caris. Salut, ouais, Caris. Oui. Et demain, le je rendez-vous. Vous entendu. Ah, j'aimerais bien voir ce que donne une confession avec Caris. Putain. Moi, j'aimerais bien faire une confession de la Marie, moi. Beaucoup de twerking de Marie. Ouais, on va en avoir Marie en twerking duo avec Marion. Oh là. Hein, le bordel. Attention, Caris, on est poli, on ne dit pas de gros mots dans l'émission. Merci, merci, Caris. Demain, 20h, 21h, le retour. On t'en trouve avec Fred, Caris, ouais. Le double fuck demain soir, 20h-21h. Ouais. Merci à vous, et là c'est parti pour la radio libre. Attention, yes. Attention, ouais. C'est parti avec. Tiens, ça fait comme jamais. Ah bah, je sais que Marie, ça fait, un son pour toi. Ouais, voilà. Je pense que c'est une bonne idée, ça pour des vrais. Maître Gim, c'est Niska, ça twerk, et puis on vous attend en direct dès maintenant, 01 53 40 30 20. Vous aimez la torture, restez bien dans la radio libre. Hein oui. Oui, on en reparle dans un instant en direct. Salut Caris, salut Fred. Ciao, ciao. Et on vous attend tout de suite en direct.